suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancrède Ramonet réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a deux documentaristes qui tentent une expérience et qui se demandent si la sexualité est aussi essentielle qu'on le dit. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe si c'est une situation que l'on subit ? Alors pour commencer, les personnages. Un sexologue qui constate, un urologue qui relativise, un homme dans le désert, un incel meurtrier, une journaliste qui analyse, une autrice qui scrute, un ancien prisonnier, un assistant sexuel clandestin et une femme qui se débrouille. Ensuite, le décor. Des mythes, des spermatozoïdes, du désir, la haine des femmes, la frustration, le toucher, la solitude, la prison, des tabous, des massages et des érections ou pas. Et bien sûr, comme on parle de sexualité, merci d'éloigner les oreilles les plus sensibles. Aujourd'hui, premier épisode, on écoute aux portes. Hey, tu sais pas ce que j'ai vu sur Internet ? Il paraît qu'un Américain sur 4 préfère regarder Netflix plutôt que de faire l'amour. Ah mais je suis pas étonnée du tout. Tu sais qu'il y a une dizaine d'années, il y a une étude qui a été menée en Suède sur les Suédoises et il y avait une femme sur 3 qui déclarait préférer pratiquer la course à pied plutôt que de baiser. Mais tu sais, en fait, je crois que les gens baissent beaucoup, beaucoup moins qu'ils ne le prétendent. L'autre jour, je lisais un article qui disait que la moyenne nationale française, c'était 2,5 fois par semaine. Alors déjà, le demi, je me demande ce que ça veut dire, mais 2,5 fois par semaine, mais je vois pas qui a le temps de faire ça, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que dans la pyramide de Maslow, qui définit les besoins humains, la sexualité apparaît comme un des besoins fondamentaux de l'espèce humaine, au même titre que l'alimentation, que la respiration, que le sommeil. Donc vivre sans sexe, c'est quelque chose, enfin c'est pas évident, ça peut avoir des effets quoi, des effets même, ça peut être hyper dangereux. Mais c'est pas un besoin le sexe enfin. Bah je sais pas, mais en tout cas c'est sûr que ça a des effets psychologiques, mais même ça peut avoir des effets physiologiques d'être abstinent. Genre ? Bah genre le syndrome des couilles bleues, je sais pas si tu connais. Le syndrome des couilles bleues, t'es sérieux là ? Bah le syndrome des couilles bleues, je sais pas exactement ce que c'est, bon moi je l'ai jamais eu, mais... Je crois que c'est un truc super grave. Et puis, même pas seulement le syndrome des couilles bleues, il peut y avoir d'autres effets, hein, je suis sûr. Hein. Mais enfin, si c'était si grave que ça, enfin, je veux dire, déjà, t'aurais un quart de la planète qui serait malade, quoi. T'as plein de gens qui n'ont pas de sexualité. T'as déjà des gens qui font le choix de pas avoir de sexualité, mais t'as des gens aussi dont la sexualité est empêchée. T'as des gens aussi qui sont pas valides, parce que là, nous, on fait les malins, on est bien portants, on a 40 ans, on est très bien. Mais il y a plein de gens qui sont handicapés, t'as des gens qui sont prisonniers, t'as des gens qui sont célibataires de longue durée. Enfin, t'imagines si c'était grave physiquement et psychologiquement d'arrêter la sexualité, mais il y aurait une partie non négligeable de la planète qui serait malade. Bah, on n'a qu'à aller les rencontrer pour savoir comment on vit sans sexualité. Et puis nous, eh ben, on en profite pour arrêter. Pour arrêter quoi ? Bah, arrêter le sexe. Arrêter le sexe ? Ouais, complètement. On arrête le temps qu'on mène notre enquête, on arrête le sexe et on voit ce que ça fait sur nous et puis on interviewe les gens. Genre, arrêter le sexe, c'est notre méthodologie, là ? Ouais. Ouais, quelque part, on peut dire que c'est une forme de savoir concerné. Et de l'observation participante. Enfin, abstinente. Sexualité empêchée, un documentaire d'Ovidie et Tancrède Ramonet. Bonjour, c'est Philippe Renaud, entrez. Philippe Renaud, psychiatre, sexologue et anthropologue. Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des gens qui viennent vous voir parce qu'ils ont décidé d'être abstinents ? Alors c'est très rare, je dirais, en consultation, parce que c'est pas un symptôme dans le fond, s'ils sont bien avec leur abstinence. La première source de rencontre avec un médecin sexologue, ça va être une souffrance. Et si je ne souffre pas de mon abstinence, puisqu'elle est volontaire, à ce moment-là, effectivement, je ne consulte pas. Pas de raison. Si je souffre de cette abstinence parce qu'elle est involontaire, là oui, c'est possible. L'abstinence n'est pas dangereuse lorsqu'elle est bien vécue. Marc Galliano, chirurgien, urologue et andrologue. Lorsque c'est une abstinence volontaire, partagée, il faut la distinguer de l'abstinence qui est une obligation. Là, ça crée de la frustration, ça peut créer de la colère. Mais lorsque vous partez en expédition au pôle Nord, lorsque vous traversez l'océan Atlantique et donc vous êtes pris dans une émotion, dans une concentration, vous oubliez quelque part la fonction sexuelle et donc vous vivez ça plutôt bien. Si moi, en tant qu'homme, je ne fais pas l'amour d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année, de toute ma vie, il n'y a rien qui se produit. Mais c'est très important que les gens l'entendent, parce que même les médecins ne le savent pas. On se dit, il doit bien y avoir quelque chose. Il va y avoir des hormones refoulées. Il va y avoir... Ben non. Notre organisme s'adapte. Il y a moins de sécrétions chez un homme, par exemple, de testostérone. Il va y avoir tout un tas de choses qui se font pas. La production des spermatozoïdes ne se fait pas. Mais tout est prêt pour repartir. C'est-à-dire, par exemple, si 10 ans plus tard, cette personne, pour X raisons, à une sexualité, eh bien toute la machine se remet en marche, la testostérone refabrique des spermatozoïdes et toute la chaîne fonctionne. On parle du syndrome des couilles bleues, est-ce que c'est vrai ? Alors non, le syndrome des couilles bleues, c'est soi-disant un syndrome de congestion, donc ça c'était employé au début du siècle, ces phénomènes de congestion pulmonaire, congestion testiculaire, il n'y a aucun signe extérieur de l'abstinence. Ça, c'est une légende urbaine. Maintenant, lorsque les vésicules seminales, ce sont les petits sacs qui stockent les sécrétions, lorsqu'elles sont trop pleines, soit il y a ce besoin émanant d'évacuer, certains hommes le vivent comme ça, donc comme un besoin de se vider. Si on ne le fait pas, il y a une autodestruction des spermatozoïdes, une autorégénération des liquides qui se fait de façon physiologique. Donc il n'y a pas un besoin vital. On ne peut pas en mourir s'il n'y a pas d'éjaculation. Si on parle en termes de physiologie, le besoin sexuel, ça n'existe pas. Si, et je parle comme ça avec mes patients, si par exemple, nous avons un besoin urinaire, je peux très bien le différer d'une heure, mais d'ici ce soir ou demain, il est évident qu'on va évacuer un certain nombre de choses. C'est un besoin. Le besoin de sommeil, c'est un besoin. La sexualité n'est pas un besoin, si on parle sur ce plan-là. Parfois, quand même, on dit que les hommes ont des besoins et que les femmes ont des désirs. C'est la même chose chez l'homme et chez la femme ? C'est exactement la même chose. En fait, beaucoup de femmes, comme beaucoup d'hommes, ont beaucoup de désirs. Et à contrario, il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui ont moins de désirs. Même si, en effet, biologiquement, un homme a plus de testostérone. Mais la testostérone, c'est pas que la libido. C'est la masse musculaire, c'est la concentration, c'est l'humeur. On sait très bien qu'aujourd'hui, les femmes ont aussi de la testostérone. On s'est rendu compte que c'est pas tellement la quantité de testostérone dans un organisme qui compte, mais c'est la capacité de saturer des récepteurs. La testostérone, il faut l'imaginer comme une petite clé, et les récepteurs, ce sont des petites serrures. En fait, on peut avoir très peu de testostérone, mais se positionner dans toutes les serrures qu'on a, et à contrario, on peut avoir beaucoup de testostérone, mais avoir des serrures qui ne marchent pas très bien. Donc, les notions de quantité, c'est pas tellement ça le problème, c'est la qualité des liens que va faire une hormone avec son récepteur et donc l'effet que ça va produire. Donc oui, les femmes produisent de la testostérone, comme les hommes produisent des œstrogènes. Il ne faut pas catégoriser besoin d'un côté, désir de l'autre. C'est la même chose. Tout le monde a des besoins, tout le monde a des désirs. Donc oui, il y a de la biologie, mais pas que. On est des êtres intellectuels. Allô ? Oui, Tancred, je suis en train de dérocher les interviews de Bruno et Galliano. Tu vois qu'on n'est pas des bonobos ? On n'a pas un besoin vital de sexe. Tu vas pas voir les couilles bleues, hein, rassure-toi. Non, non, d'accord. Il n'y a peut-être pas de danger physique, physiologique. Il n'y a peut-être pas de besoin, de nécessité. Mais je peux te dire que l'absence de sexe, ça peut faire souffrir. Dis-moi François, ça fait combien de temps que t'as pas baisé, toi ? 6 ans. François Nombret, essayiste et poète. C'est mon deuxième désert sexuel. Le premier est arrivé précocement. Entre 23 ans et 31 ans, j'ai touché une femme. Comment t'expliques que... T'es pas eu de relations sexuelles sur ces périodes de 9 ans, puis ensuite aujourd'hui de 6 ans? Je pense qu'il y a le fait de m'être enfermé dans ma grotte, entre guillemets. J'ai eu une certaine difficulté à partir d'un moment à faire le premier pas. Le premier pas, c'est un truc que je ne sais pas trop faire. Ça signifie pas du tout que j'étais victime d'un manque de libido, non, non, loin de là. Mais c'est quelque chose aussi qui correspond à ma personnalité, comment dire. Je pense que mon plus vieux problème, mon plus vieux et mon plus grand problème, c'est ce qu'on appelle le passage à l'acte. Énorme problème avec le passage à l'acte. Et pour tout. Alors après, il faut peut-être parler de la bière, du hash, je sais pas. Si j'avais moins bu, si j'avais moins fumé de joint, si j'étais plus sportif, peut-être que j'aurais plus performé, entre guillemets. Mais je ne pense pas. Je pense plutôt que la pratique de l'alcool et du pétard sont une conséquence du chagrin issu de ma solitude mal vécue. Qu'est-ce qui te manque le plus, là, dans ce désert ? J'ai même pas envie de dire baiser, parce que... la sensualité, enfin, je veux dire, ça va être la sensualité. Voilà, la beauté de la sensualité. Je le vis évidemment hyper mal, et ça remet plus en question la façon dont je suis que le comportement des femmes par rapport à moi. Je sais pas, je me dis que si j'étais un peu autre, mais juste un tout petit peu autre, hein, ça se passerait nettement différemment. Tu quoi ? Tu considères que t'es abstinent ? Qu'est-ce que tu considères ? T'es dans quelle situation ? Non, je ne suis pas abstinent. Là-dessus, que les choses soient claires, parce que vraiment, c'est clair. Si j'étais abstinent, ça voudrait dire que j'ai décidé de l'être. Ça voudrait dire que ça correspond à une volonté propre. Voilà, j'ai envie d'être abstinent et je vous emmerde. Bah, c'est pas le cas. C'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose de subi. Et t'es dans la misère sexuelle ou pas ? Bah non, pas réellement, puisque je peux encore baiser. Il y a des gens qui peuvent plus le faire. Donc non. Les vrais miséreux sexuels, c'est ceux qui peuvent plus le faire. Mais j'ai morflé, ouais, bien sûr. Et je morfle toujours. C'est hyper douloureux. Mais d'ailleurs, c'est même quelque chose dont on a honte, hein, au bout d'un moment, faut le savoir. Hein. Je me suis senti vraiment sale, plusieurs fois, en baisant trop peu. Et comment tu fais pour tenir ? T'as pas des besoins, des envies ? Je pratique encore l'onanisme, mais de plus en plus rarement. Entre 16 ans et le début de la quarantaine, j'ai beaucoup pratiqué la pornographie. Je peux même dire que j'ai adoré ça, c'était même une addiction. Mais maintenant, non, je ne me masturbe plus ni par désir, ni par ennui, ce que j'ai beaucoup fait. Je le fais juste pour des questions d'hygiène. Quand je sens qu'il vaut mieux que j'éjacule, mes couilles me le disent. Et je vais même dire un truc très personnel. C'est qu'un jour, je me suis branlé debout devant mon ordi, devant des images de cul. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré en me branlant. Parce que je trouvais ça trop triste. J'ai pris ça comme du gâchis ultime. Et est-ce que tu imagines ne jamais rebaiser de ta vie ? Mais évidemment. Et ça te fait pas peur ? Non, ben non, ça me fait pas peur. J'ai fini par me faire une raison, tu sais. Je trouvais ça dégueulasse, mais bon, ça m'arrive pas. Tu baisses les bras, quoi. Tu te dis, c'est bon, je laisse tomber, quoi. Bah, je suis un peu en train de tirer une croix sur la chose, ouais. Ouais. Je sais pas, le temps joue contre moi maintenant. J'en ai bien conscience. Décidément, me disais-je, dans nos sociétés, le sexe représente bel et bien un second système de différenciation, tout à fait indépendant de l'argent. Et il se comporte comme un système de différenciation au moins aussi impitoyable. Les effets de ces deux systèmes sont d'ailleurs strictement équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein, et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables et d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante. D'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte. Son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Michel Houellebecq. Tu sais, je repensais à cette citation de Houellebecq. Elle est quand même vachement problématique quand on y réfléchit bien. Parce que une fois qu'on a dit ça, c'est la porte ouverte au pire. Hey, Elliot Roger here. I'm up in the hills in Montecito right now. Je m'appelle Elliot Rogers. Je suis dans la montagne là. It's truly a beautiful day. C'est un beau jour. But if you have to experience it all alone. Mais même un cadre idyllique peut devenir un enfer si vous êtes tout seul. Sadly, I've been alone for a very long time. Et moi, malheureusement, je suis seul depuis si longtemps. Tanguy, que s'est-il passé le 23 mai 2014 ? Alors, le 23 mai 2014, un incel qui se prénomme Elliot Roger fait un attentat à Santa Barbara, en Californie. Tanguy Granis, professeur de philosophie. Incel, donc, c'est la contraction de célibataire involontaire. C'est un célibataire involontaire. Il tue 6 personnes et fait 14 blessés avant de se suicider. Cet attentat a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a laissé derrière lui un manifeste qui sert de référence chez les incels, donc un manifeste de 141 pages où il déverse sa haine envers les femmes. Well, this is my last video. C'est ma dernière vidéo. Tomorrow is the day of retribution. Demain, c'est le jour du châtiment, le jour où je vais prendre ma revanche contre l'humanité, contre vous, les filles. All I've ever wanted was to love you. Tout ce que je voulais, c'était vous aimer et être aimé de vous. I wanted a girlfriend. Je voulais une petite amie. I wanted sex. I wanted love. Je voulais du sexe, adoration. Faire l'amour, avoir de l'affection, être adoré. If I can't have you, girls, I will. Mais si je ne peux pas vous avoir, alors je vous détruirai. You denied me. Vous m'avez refusé une vie joyeuse, en échange, je vais prendre vos vies. Ce n'est que justice. Ce qui est fou, c'est qu'ils se sont structurés en tant que communauté sur le problème de les filles, ces salopes, ne veulent pas coucher avec nous. Titiou Lecoq, journaliste et écrivaine. Parce que derrière, il y a pour eux un truc alors très capitaliste et très Houellebecquien, il y a une espèce de marché sexuel, mais comme un marché économique, avec l'offre et la demande. Et donc, les femmes sont en position de choisir. Et elles ne les choisissent pas. Et c'est pas juste parce que normalement, il y a autant d'hommes que de femmes à peu près. Donc, tout le monde devrait réussir à avoir une vie sexuelle. Et eux, on les prive, quoi. Oui, ils ont l'impression d'être les perdants du marché du sexe. Ils sont les perdants du marché du sexe, mais c'est encore pire. Ils se sentent floués. Il y a vraiment cette idée, on devrait y avoir droit. C'est la nature qui nous donne accès au sexe. Et voilà, et les femmes refusent. Donc, c'est pas juste on est perdant. C'est le marché économique du sexe a été trafiqué par les femmes et elles nous ont enlevé notre bien, quoi. Ils en développent une véritable haine des femmes, quoi. C'est un truc, c'est structurel pour eux. D'ailleurs, ils le disent, ils les détestent. Et il y a quand même toujours une gêne, on ne se déclare pas misogyne. Ça ne se fait pas. On ne dit pas, ah bah oui, alors moi, mes opinions politiques, c'est misogyne. Non. Et bah eux, oui. Eux, ils disent, moi, je suis misogyne. Moi, je hais les femmes. Elle représente combien de personnes, cette communauté incel ? Sur Reddit, le forum où se retrouvaient les incels comprenait 40 000 membres avant que ce forum soit supprimé en 2017. Donc il y avait 40 000 incels. Mais les incels ne se retrouvent pas tellement entre eux, sauf sur les forums. Mais dans la vie réelle, entre guillemets, les incels sont seuls. Donc c'est pour ça qu'ils commettent des attentats aussi en loup solitaire. C'est la misère sexuelle qui provoque cette réaction ? Alors, il faudra déconstruire le terme de misère sexuelle, justement, qui est utilisé par les incels. Les incels parlent de misère sexuelle, comme si le sexe était un dû, alors que c'est un problème plus général. Ils sont victimes de solitude affective, ils ont un manque de contact physique, de contact corporel, et c'est ça le véritable problème. Alors moi, c'est comme ça que je l'ai longtemps analysé. C'était un rapport à la virilité, à une forme de virilité toxique qui était de « un homme existe parce que, en fonction du nombre de conquêtes », d'ailleurs le terme n'est pas choisi au hasard, « qu'il va faire ». Et donc eux, du coup, n'existent pas socialement. Et donc ils ne sont pas des vrais hommes parce qu'ils n'ont pas accès aux femmes. Mais derrière, ça part d'une vraie souffrance. Je pense qu'effectivement, c'est très compliqué pour eux et qu'ils sont profondément malheureux. Et ça, c'est pas causé par les femmes. Le problème, c'est que le patriarcat empêche les hommes et les femmes d'établir des relations qui soient pas centrées sur les rapports hétérosexuels. Pour les incels, le Graal, c'est le rapport sexuel avec les femmes, et selon un schéma sexuel préliminaire, pénétration, ils connaissent pas d'autres moyens d'avoir des rapports avec les femmes que ce type de rapport-là. Mais ce qui est dingue, c'est le jour où j'ai découvert qu'il y avait des femmes-celles, donc des femmes qui se déclarent aussi célibataires involontaires. Même chose que les incels, donc elles voudraient être en couple, elles n'ont pas de vie sexuelle, il se passe rien, c'est très difficile, elles souffrent. Sauf qu'il y a quand même un rapport de genre très particulier. Là où du coup les incels se disent « tout ça c'est à cause des femmes, on les déteste, on va les tuer », les femmes-celles se disent « bah tout ça c'est ma faute, c'est parce que je suis vraiment répugnante ». Et donc elles retournent la violence contre elles-mêmes. Donc elles ont beaucoup, elles sont pas dans le terrorisme, elles sont plutôt dans la scarification, la pensée suicidaire, enfin. Je n'ai jamais lu des textes d'auto-dénigrement aussi violents. C'est-à-dire qu'elles, vraiment, il y a des forums où elles vont décrire leur corps, mais d'une manière, enfin c'est inhumain de se, enfin ouais, elles se déshumanisent quoi. Donc tout leur problème de dents, leur problème de peau, leurs cheveux filasses et dégueulasses, et la peau des bras qui tombe, et les bourrelets, les vergetures, et vraiment, elles n'ont pas la haine des femmes, elles ont la haine d'elles-mêmes. Et que oui, si on n'est pas, voilà, ce qu'elles appellent une Stacy, donc les Stacy, c'est les super belles femmes. Ah oui, alors c'est très le libéralisme américain, parce qu'on se note aussi. On note les autres et on se note, parce que c'est un vrai marché économique. Donc les femmes-celles se notent en général, donc c'est sur 10, elles se mettent à moins de 5. Après, à 5-6, il y a les normies, les normales, quoi. À 6-7, il y a les péquises. Bon, c'est la copine de la fille très jolie, qui est pas mal, mais qu'on remarque pas trop. Et après, il y a les stécies. Donc ça, les stécies, c'est les mieux. Et la même chose chez les garçons. L'équivalent de la stécie, c'est le Tchad. C'est le joueur de football américain, quoi. Et ce serait quoi la réponse à ça? Comment on peut régler ce problème de misère sexuelle? Alors, la solution qui paraîtrait enfantine, mais à laquelle on pense forcément... C'est, bah, ils ont qu'à se mettre ensemble, les incels et les femcelles, et après tout le monde est heureux et c'est super. Et là, c'est vraiment les pauvres, elles s'en sortiront jamais. C'est-à-dire qu'en plus, les incels détestent les femcelles. Eux considèrent qu'elles mentent, qu'en vrai, une femme trouve toujours quelqu'un pour faire l'amour avec elle, et que juste le problème, c'est qu'elle vise trop haut, quoi. Et qu'il faut qu'elle vise plus bas. Et donc, ils sont quasiment dans un truc de « on vous déteste encore plus que les autres femmes parce que vous faites semblant d'être comme nous et vous êtes en train de nous voler notre identité de frustrés ». Mais tu te poses pas la question de comment les femmes vivent ça ? Si, justement, il y a Emmanuelle Richard, qui est une ancienne étudiante à moi, qui vient d'écrire un livre là-dessus. Ça s'appelle « Les corps abstinents » et c'est une enquête littéraire sur ceux qui ne font plus l'amour. Emmanuel, comment t'es venue l'idée du livre ? Alors, ça s'est passé de la manière dont ça se passe très souvent quand j'ai un projet d'écriture, c'est-à-dire que c'est un livre dont j'aurais eu besoin à un moment donné parce que je traversais une expérience de cet ordre, et ce qui m'aurait réconforté à ce moment-là, ça aurait été de voir des gens qui en souffraient, et donc le point de départ, ça a été ça. Donc toi, tu traversais une période d'abstinence à ce moment-là, ou alors tu l'as commencé pour ton livre ? Moi, ça a duré 5 ans en tout. Ça s'est ouvert par une période de 2 ans durant lesquelles j'étais très abîmée après une histoire plutôt destructrice. J'ai fait une grave dépression. Et après ça, il y a une autre phase durant laquelle je voulais à tout prix revivre quelque chose avec quelqu'un, revivre une histoire d'amour. Et là, j'ai été pendant 1 an avec un homme qui ne m'approchait jamais, même pas dans la tendresse. Et à la fin de cette relation, ou plutôt non-relation à laquelle j'ai moi mis un terme, je me suis dit que j'avais juste besoin d'aller bien et que j'arrêtais, quoi. Je me retirais du jeu, de la séduction, du marché de la séduction, etc. En tout cas, pour un moment, parce que je voulais me concentrer sur mes propres besoins. Qu'est-ce que c'est l'abstinence? Comment tu la définirais, cette abstinence ou ces abstinences? Ben, pour que ce soit plus simple pour le livre, dans l'échange avec les gens que j'interviewais, je me suis concentrée sur une seule définition qui était le fait de ne pas avoir de sexualité partagée, que ce soit subie ou choisie, enfin en tout cas indépendamment des 1000 contextes possibles. Ça n'exclut pas du tout la masturbation. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a des gens qui vont ressentir cet état de manque au bout de quelques jours, et puis chez d'autres personnes, ça va être quelques années, ou c'est vraiment, il n'y a pas du tout de règles. Quelle que soit la difficulté, la neutralité indifférente ou le bonheur que l'on peut éprouver à la vivre, l'abstinence sexuelle se définit à mon sens avant tout par la plasticité de sa définition même. On ne peut l'observer qu'au travers des temporalités particulières propres à chacun. Cette relativité la rend inquantifiable et difficilement étudiable en tant que concept. Par conséquent, aucun sondage ne peut en rendre compte. Une définition possible de l'abstinence ? À mes yeux, son acception la plus pertinente ? Ne plus faire l'amour à la fréquence à laquelle on était habitué, alors qu'on le voudrait. Notre libido existe, nous aurions envie, mais nous n'avons, pour un tas de raisons, pas de rapport avec d'autres personnes. Est-ce que tu as senti que quelque chose avait changé dans ton rapport au corps durant ces 5 années? Bah, le manque essentiel qui concerne tous les interviewés, ainsi que moi-même dans ma propre histoire, le manque commun à tous, c'est le manque de toucher, mais pas du tout circonscrit uniquement au domaine de la sexualité. C'est vraiment le simple contact et la possibilité d'étreinte. Ça, ce manque-là, il est, je sais pas comment dire, il est dévorant, il est extrêmement dur. Il y a un très beau moment, je trouve, dans le livre, c'est le moment où tu vas chez l'ostéopathe. Ah oui, j'ai vu un ostéo pour la première fois de ma vie, et à ce moment-là, ça faisait justement 5 ans, que j'avais plus de sexualité partagée, mais surtout, ce que ça impliquait, c'est que j'avais plus du tout de contact, j'avais plus du tout, j'étais plus jamais touchée, même prise dans les bras, par personne en réalité. Et donc ça faisait quand j'ai vu cet ostéopathe, ça faisait 5 ans, et quand il m'a touchée, mais dans ce contexte de toucher médical, ça m'a rappelé cette espèce de manque vertigineux, parce qu'on a besoin de ça, on est et des êtres sociaux et on a besoin du contact. Et donc c'était un moment très fort en émotion, très très bouleversant. Il s'est allongé à demi pour faire peser son poids entier, rectifier ce pourquoi j'étais venu le voir. Il a commencé à remettre en place mon bassin. C'est là que c'est monté. La tristesse a coupé le souffle, comme un étranglement. Une vague d'émotions m'a prise à la gorge, s'est étendue à ma poitrine et à ma cage thoracique et m'a envahi. Ma respiration s'est accélérée. Le peu d'air qui parvenait à circuler s'est précipité jusqu'à se bloquer. J'ai senti une boule énorme, impossible à ravaler. J'ai pensé à ma grand-mère, qui avait passé l'essentiel de sa vie adulte en étant seule, à ses décennies sans contact. Je m'étais toujours demandé comment elle avait fait, tellement c'est dur. L'absence de tendresse, l'absence d'humanité à portée de bras, la disparition générale du toucher. Ne jamais caresser, être caressé par personne. Ne jamais étreindre, j'ai eu envie de pleurer. Je me suis retenu. Emmanuel Richard, Les corps abstinents. Daniel Borio, juriste, spécialiste du droit des sexualités. Est-ce qu'il y a un droit à la sexualité ? Non, il n'y a pas un droit à la sexualité, puisqu'un droit à la sexualité impliquerait qu'il y ait quelqu'un qui serait donc créancier de cette obligation ou de cet droit. Par exemple, la situation des misères sexuelles existe, mais le droit ne fait absolument rien. L'État ne fait rien pour combler ces problèmes des misères sexuelles. Pourtant, il y a une formulation qui a été faite à partir de 1974 par l'OMS sur la santé sexuelle qui avait l'air quand même d'impliquer le fait que d'avoir une sexualité épanouie faisait partie de ce qu'il fallait mettre en place dans tous les pays développés. Absolument, il y a cette notion de santé sexuelle qui fait partie de la notion de santé globale. La France est également signatrice d'une convention sur les droits sexuels et reproductifs. Mais le problème, c'est la mise en place de ces dispositifs internationaux, puisque par exemple, il y a une contradiction avec cette notion de santé sexuelle et par exemple l'interdiction de la prostitution ou plus particulièrement la pénalisation des clients depuis 2016 dans la loi française. Et cela pose un problème, mais il n'y a pas eu encore un tribunal international qui se soit prononcé sur l'absence donc de l'égalité de cette loi de 2016. De même, par rapport à la sexualité en prison est interdite. À la fois les rapports sexuels entre détenus et également les rapports sexuels avec les gardiens, avec les autorités du service pénitentiaire. Mais pourquoi et comment est-ce qu'on peut interdire la sexualité en prison alors que normalement la peine n'est que la privation de liberté ? Eh bien, justement, c'est une hypocrisie et en quelque sorte une double peine. Toujours est-il que il ne s'agit pas d'une loi, il ne s'agit pas d'une jurisprudence, il s'agit des règlements internes aux prisons. Traditionnellement, on a invoqué à la fois une question morale et une question d'ordre public au sein des prisons. La question morale étant donc la limitation ou l'interdiction de l'homosexualité, masculine ou féminine d'ailleurs, et également la question de n'est pas déclenché des situations de passion. Enfin, on pense que la sexualité peut constituer un trouble à l'ordre interne aux prisons. Madame, écoutez-moi, madame, on meurt ici. Le manoir est hanté, la prison vole et tremble. Au secours, nous bougeons, emportez-nous ensemble. Dans votre chambre au ciel, dame de la merci. Le jour sourit mauvais derrière mon carreau. La prison pour mourir est une fin d'école. Comment, à 18-19 ans, on vit le fait d'être condamné à 20 ans de prison ? Pour moi, ça a été l'état de choc. Jacques Lesage de La Haye, psychanalyste et ancien détenu de longue peine. Des mecs se suicident à l'appel. En promenade, j'en vois un qui est pendu à ses barreaux. Moi, j'ai été condamné au mitard puisque je commettais aussi des infractions et que le mitard, c'est le cachot. Et là, c'était l'agonie. Je voyais un mec qui, dans une cellule à côté de la mienne, au mitard, s'est pendu. Donc moi, c'est une ambiance de mort, de désolation et de désespoir. C'est quelque chose d'apocalyptique. Ce n'est pas imaginable. Tu es en centrale ? Oui, la centrale de Caen. Et c'est quoi la vie sexuelle d'un détenu de longue peine ? C'est masturbation, c'est tout. Tu dors pas, tu te masturbes la nuit parce que tu travailles, tu dors mal. Je sais qu'il y en a d'autres qui se masturbent la nuit. J'en entends crier la nuit, j'en entends qui pleurent. Enfin, il faut imaginer un mouroir, hein. C'est pas à peine de se raconter des histoires. La prison, c'est pour redresser la mauvaise graine, c'est pour les amener à se réinsérer. C'est tout du pipeau, c'est des mensonges, hein. C'est des machines à détruire physiquement, psychiquement, voilà. Mais et entre détenus, est-ce qu'on parle de ce besoin, de cette envie qu'on a ? C'est un sujet tabou, la sexualité. Parce que si tu parles sexualité, c'est que t'es un peu un PD quand même. Un PD, un mouchard, une balance, un obsédé sexuel, un criminel sexuel, c'est presque pareil. C'est des sous-hommes. Donc on n'en parle pas parce qu'on est des mecs. Voilà. Le plus qu'il peut y avoir, c'est une phrase à la con qui est dite par l'un ou l'autre, un truand dont je dirai pas le nom, qui avait deux fois perpète, il l'avait tué deux fois. Et lui, il était comme tous les autres. Hein. On baisse pas, on est frustré, on n'a que la veuve paluche, c'est-à-dire la masturbation, et il n'est pas question de toucher au mec. Et puis... lui, entre parenthèses, comme ça, ou entre guillemets, je sais pas comment je dirais ça, il m'avait dit quand même une bonne pipe, ça fait pas de mal. Voilà. Mais c'était un mec qui avait deux fois perpète. Donc, quand il m'a dit ça, il avait déjà fait 11 ans. Moi, j'en avais fait que 7 ou 8. Donc, c'est une obsession sexuelle qui finit par créer un déséquilibre total du psychisme par ce que j'appellerais un syndrome de sursollicitation. C'est-à-dire, l'obsession sexuelle fait qu'on s'épuise, bien sûr, qu'on dort mal, qu'on n'arrive pas à récupérer physiquement, mais qu'on finit aussi par couches successives depuis le cerveau jusqu'au corps à une autodissolution, c'est-à-dire que il y a des mecs qui peuvent se masturber 10-15 fois par nuit, surtout sur des longues peines. Les petites peines, non, c'est pas le cas. Et qui arrivent à un moment donné à un tel état que même comme ça, ils sont pas apaisés. Ça finit aussi par, à ce moment-là, dérégler le fonctionnement psychosomatique, c'est-à-dire amener des éjaculations précoces, amener à des masturbations sans éjaculation, amener enfin des tas de dysfonctionnements qui d'ailleurs se retrouvent dans un certain nombre de psychopathologies bien connues. Mais là, elles sont créées artificiellement chez un seul et même individu. Quand tu détruis ton affectivité, ta capacité d'éprouver des sentiments, de l'amour, du désir, et que tu restes qu'une machine à soulager les tensions, tu perds tout caractère humain, t'as plus d'émotions, plus de sentiments, plus rien. Tu es un homme de métal, c'est-à-dire, il n'y a plus de chair, plus d'affect, plus d'émotions, plus de sentiments. Assez rapidement, au milieu de ce désert infini se crée une faille qui devient une déchirure aiguë et une vrille térébrante du système nerveux. C'est l'obsession sexuelle. À la moindre occasion, elle surgit et ravage tout sur son passage. Elle effectue un total laminage du psychisme. J'ai envie de faire l'amour. Cela devient un besoin. C'est urgent. Mais tu es pris au piège. Ni ce soir, ni demain, ni dans un an, ni dans 5 ans ou 10 ans. Je n'en peux plus. C'est l'érection irrésistible, sans fin. Le sexe comme une barre de fer. Des images lubriques plein la tête. De l'électricité dans tout le corps. Une agitation telle qu'il est absolument impossible de rester immobile. On se retourne, on soupire, on croise les bras, puis les jambes. C'est la danse de Saint-Guy. À la clé, une douleur atroce dans le ventre, le bas-ventre, l'aine, le sexe et les testicules. Les hommes acculés à de telles limites n'entendent plus aucun discours. Ceux qui n'ont pas connu ce cauchemar ne peuvent que s'étonner, douter ou s'indigner. Mais au lieu d'avoir peur des prisonniers ou de les stigmatiser pour leur violence, nous ferions mieux de nous demander quelle violence leur est faite pour qu'ils soient dans un tel état. Jacques Le Sage de La Haye, l'homme de métal. C'est quoi la sexualité de parlons ? Ben c'est rien, c'est du pipeau, ça n'existe pas. Tu peux pas, puisque t'as le maton qui te regarde. Quand t'es derrière un paroir avec grillage, tu fais rien. À la limite, tu peux te masturber, mais fais gaffe, parce que le maton qui passe derrière toi, s'il doit te masturber, t'as un rapport et tu vas passer au prétoire. Et après, tu prendras une peine de 8 jours de mitard, donc de cachot. Ah, c'est interdit de se masturber au parloir ou... Ben, évidemment. Tu te livres à quelque chose qui est considéré comme une exhibition. C'est une infraction à la loi, donc une infraction au code pénal aussi. Et à ce moment-là, t'as un rapport. Hein. Donc ce qui veut dire que c'est une sexualité dont on ne parle pas. Non. Et que même en cellule, en isolement individuel, on est quand même contraint de se cacher. Ben oui, si le maton passe au moment où tu te masturbes, il va te mettre des coups de pied dans la porte. Il y avait d'ailleurs des pervers qui t'auraient pas fait de rapport et qui t'auraient pas puni. Donc ceux-là mettaient des chaussons. Ils passaient sur la galerie sans bruit, et là, ils en piquaient un certain nombre en train de se masturber. Alors, soit c'était des pervers, et à ce moment-là, ils te mettaient un rapport en plus, soit ils ne te mettaient pas de rapport et ils regardaient sans bruit. Voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a rendu complètement parano, parce que même ça qui était ma survie, c'était dangereux si le maton passait. Donc, tu n'as même pas droit à une sexualité clandestine, tu es piégé. Et cette question de la sexualité, résultat, elle se prolonge après la prison. Bah oui, parce que tu peux pas être transformé à ce point-là. Et dès que t'es sorti, c'est fini. C'est impossible. D'abord, tu bandes pas. Parce que tant que tu vas être en bas de l'immeuble ou devant la maison, t'as envie, tu sens du désir dans ton sexe. Mais au fur et à mesure que ça se rapproche, ça redégringole. Moi, j'ai eu des tas d'échecs au démarrage. Je pouvais bander un peu avant, puis au moment d'arriver avec la femme, quitte au moment de la pénétration, je pouvais pas. Et qu'est-ce que j'avais comme alibi ? C'est que quand elles me regardaient, moi aujourd'hui je pense que ces femmes-là me regardaient peut-être avec amitié, affection, désir. Je croyais que leur regard était un regard accusateur. J'ai vécu là-dedans pendant très longtemps, et il m'a bien fallu au moins 10-15 ans pour en sortir. Grâce à Jacques Le Sage de La Haye, à la commission Badinter, mais surtout, et tu le sais, il ne faut pas l'oublier, grâce aux grandes mobilisations des prisonniers et aux révoltes carcérales de la fin des années 70, les choses ont un peu changé. Hein. Aujourd'hui, il y a les unités de vie familiale. Mais enfin, en gros, quand même, l'hypocrisie demeure. Mais tu sais, il y a une autre hypocrisie. C'est celle de l'assistance sexuelle qui n'est toujours pas reconnue en France. Parce que la question de l'assistance sexuelle, ça soulève quoi ? Ben, ça soulève la question des personnes handicapées. Et là, c'est le tabou ultime. Et encore plus, lorsque ça touche les femmes, la question de la sexualité des femmes handicapées, on n'en parle jamais. Tu peux nous dire exactement ce que risque un handicapé ou son accompagnant sexuel en cas d'assistance sexuelle ? Qu'est-ce que c'est le danger ? Daniel Borillo. Bah, l'enjeu peut être très grave, puisqu'on pourra considérer que la personne qui assiste sexuellement, on va assimiler cela peut-être au client de la prostitution, donc il peut avoir une amende de 3 500 €. Et si la personne met en contact d'autres personnes, par exemple un masseur ou une masseuse qui se rend au domicile d'un handicapé, la personne qui crée les liens entre cette personne qui pratiquerait un service sexuel serait considérée comme un proxénète. Et là, on est sur un plan pénal, la personne risque même la prison. Est-ce que vous pouvez juste rappeler ce que dit la loi ? Quel est le statut de l'assistance sexuelle dans la loi française ? Il n'y a pas de statut de l'assistance sexuelle. Le problème, c'est que l'assistance sexuelle est assimilée à la prostitution, puisqu'il s'agit d'un rapport sexuel rémunéré, même si la rémunération n'a pas pour finalité donc autre chose que l'assistance ou l'aide à une personne en situation de handicap. La loi française, par analogie, va considérer cet acte-là comme étant un acte prostitutionnel. Adeline Béguier, psychologue de formation, atteinte du syndrome d'Ehlers dans l'os. Ma maladie, c'est une maladie du tissu conjonctif, en fait, qui... Enfin, le tissu conjonctif, c'est 80% de notre corps. Donc, chez moi, ça touche le cœur, les poumons, les intestins, puis les muscles. Donc, je peux pas marcher longtemps, je m'essouffle très vite. J'ai pas de muscles, très peu de muscles. Et je suis reconnue handicapée en fait à 80%. Donc c'est en 2012 que j'ai appris que j'étais malade, alors que c'est de naissance, c'est une maladie génétique. Et moi j'avais un copain à ce moment-là, et comme j'étais souvent à l'hôpital, c'est vrai qu'on était jeunes et il a eu peur. Donc c'est vrai qu'il m'a quittée alors qu'on avait la maison, on avait les chevaux. Parce que je fais de l'équitation et j'en fais toujours en tant que handisport. Et donc j'ai pris énormément de poids en fait, je suis montée jusqu'à 115 kilos. Donc il n'y avait plus de sexualité parce que déjà j'étais grosse, parce que j'avais pas le temps et parce que c'était plus mon corps en fait, il m'appartenait plus. Et c'est vrai qu'il était surtout touché avec des gants, surtout vu comme si c'était un corps cobaye, parce que c'est une maladie rare. Tous les internes voulaient me toucher parce qu'ils verront pas ça tous les jours. Donc en fait, ouais, je me suis détachée de ce corps. Donc j'ai attendu pas mal de temps avant d'avoir des envies déjà. C'est vrai que 5 ans sans câlin, sans tendresse, sans sexe, c'est long. Et donc au départ, oui, j'ai voulu faire appel à un mec, un escorte, parce que je ne savais pas que les accompagnateurs sexuels existaient. Et c'est vrai que c'est dur pour le mental, en fait, de prendre confiance en soi, alors qu'on se dit qu'on fait appel à un prostitué, c'est super dur. J'en suis à un tel point, en fait, de solitude que je suis obligée de faire appel à un prostitué. Et c'est en fait en regardant sur internet pour chercher justement un mec, un escorte, que j'ai trouvé le site de la PASS. La PASS qui est l'association pour la sexualité des handicapés. Qu'on soit comme moi, c'est-à-dire que j'ai quand même l'usage de mes mains, je peux quand même avoir une sexualité en solo, on va dire, même si ça va être compliqué, mais je peux y arriver. Et les gens, en fait, le problème vraiment, c'est qu'ils pensent pas aux personnes qui n'ont pas accès à leurs mains et qui peuvent pas se caresser. Et je trouve que c'est pas normal que ce soit aux mamans ou aux auxiliaires de vie qui n'ont pas eu de formation qui font ça, parce que à un moment donné, les enfants, enfin leurs enfants, le malade va vraiment pas être bien et puis il va en avoir besoin. Et je trouve que voilà, ça on l'entend pas, la sexualité des personnes handicapées comme des personnes âgées. Hein. On est censé être handicapé ou âgé, donc hop, c'est pas de sexualité, quoi, comme si on était anormaux, alors que pas du tout. Alors un accompagnant sexuel, c'est quelqu'un qui va répondre à une demande a priori sexuelle, mais qui peut être aussi un peu affective. Fabrice Flageol, masseur et accompagnant sexuel. Et si on a quelqu'un dans le secteur, enfin il y a pas mal de critères forcément, hein, je le fais court. Mais une fois qu'on est en contact et qu'on peut se rencontrer et qu'on décide d'aller plus loin dans la rencontre, cette rencontre elle va déboucher sur une rencontre sensuelo-sexuelle. C'est vraiment une démarche militante de votre part. Vous, pourquoi est-ce que vous faites ça? Oui, tout à fait, c'est militant parce que c'est Je suis toujours concerné par cette démarche de la détresse affectivo-sexuelle, qui rebondit sur ce que j'ai connu moi étant plus jeune. J'ai beaucoup souffert de ce manque affectivo-sexuel et aujourd'hui, j'ai envie d'être solidaire avec ceux qui le vivent. J'imagine qu'il n'y a pas une manière de procéder, mais concrètement, comment est-ce que ça se passe ? Donc voilà, une fois qu'on a communiqué, qu'on s'est rencontrés et qu'on décide d'aller plus loin dans la rencontre, on a beaucoup discuté pour savoir quelles étaient les attentes, bien expliquer que c'était une démarche professionnelle, hein, qu'il fallait pas s'attendre à une rencontre, on n'est pas sur Mythique, hein, on est là pour une rencontre sensuelle ou sexuelle, mais qui n'aura pas forcément de lendemain. Même si c'est déjà arrivé, je sais que j'ai un collègue qui a arrêté cette démarche parce qu'il est tombé amoureux de la femme qui l'a accompagné, ils sont en couple aujourd'hui et c'est génial, c'est super, quand ça peut arriver, pourquoi pas. En tout cas, c'est pas le but initial. Et alors, jusqu'où vous allez dans l'accompagnement ? Ah, je vais jusqu'au bout. Je n'ai pas de limite en fonction des besoins de la femme. C'est un acte sexuel complet, comme une vraie rencontre. La première fois, quand on s'est vu, moi j'avais dit on va juste prendre un café, puis on verra. Et en fait, on a été un petit peu plus loin qu'un café, mais je veux dire, il n'y avait pas de pression derrière. C'était pas on se voit, donc tout de suite il faut du sexe. Non, c'était pas ça du tout. C'était vraiment ce que je voulais à ma vitesse à moi. Donc on a commencé vraiment tout gentiment par un massage. Et évidemment, après, forcément, le corps s'échauffe un peu. Et puis, il y a eu relation sexuelle cette fois-ci. Et en plein milieu, en fait, je me suis mise à pleurer. Parce qu'il y avait tellement de tension derrière, de pression de me dire « il faut que je fasse bien, il faut que... » Enfin, moi, je suis une personne hyper généreuse. J'ai besoin que l'homme soit satisfait aussi. Enfin, à ce moment-là, j'avais perdu pas mal de poids, mais c'est vrai que mon corps était quand même pas beau, puisqu'il y avait beaucoup de surplus de peau. Et il m'a dit plein de choses qui étaient super agréables, comme le fait que j'étais très jolie, que j'étais très douce, que, enfin, plein de compliments. Donc au départ, je me suis dit, il doit aller dire à toutes les femmes qu'il voit et tout, ça doit rentrer dans le package. Alors qu'en fait, on voit qu'il est sincère et ça permet de se reconnecter un petit peu avec son corps, donc ça a été stressant, mais bien. Et il y a eu d'autres fois avec Fabrice ? Oui, et là c'était même très très bon, on va dire, sexuellement parlant. Je me suis beaucoup plus libérée aussi, parce que je me suis dit finalement c'est un mec à qui j'ai rien à prouver, vu que je le paye et qu'il est là pour moi. Il va tout faire pour que j'aie mon plaisir, et ça a été super parce que la deuxième fois en fait j'ai eu un super plaisir, honnêtement, que j'avais jamais eu avec les hommes. Et là, je me suis dit, ah ouais, mon corps, il est capable de faire des choses super, en fait. Ovidie, j'ai eu un flash. En fait, l'abstinence, c'est notre destin à tous. Ouais, je sais pas si c'est souhaitable. Enfin, après, c'est peut-être une réalité, hein, puisque déjà en vieillissant, enfin surtout pour nous, les femmes hétéros, plus on approche de la quarantaine, plus on s'extrait du marché de la bonne meuf. Ouais, attends, parce que nous, à la cinquantaine, on commence à avoir des problèmes d'érection et on finit par plus bander du tout. C'est pas vrai que tu vas encore me parler de ta bite. Non, mais attends, là j'en parle sérieusement parce qu'il y a Romain Gary qui a écrit un livre formidable qui parle de ça. C'est un livre méconnu, mais qui est absolument génial. Écoute. La main de Doulet errait sur la table. Il baissait les yeux et semblait m'avoir oublié. Le jour était devenu gris sur son visage. Vous avez le même âge que moi, je crois. J'ai 59 ans. Moi aussi. Les femmes qui deviennent de plus en plus grandes, vous connaissez ? Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Non ? Bien, je vais vous expliquer. Pour moi, les bonnes femmes ont commencé à grandir il y a quoi ? 4 ou 5 ans. La première était une môme de 18 ans, et déjà elle était trop grande à l'intérieur. Je sentais à peine le contact. J'ai rencontré ensuite une très belle fille de 22 ans, une cover girl danoise, ce qu'on faisait de mieux dans le prêt-à-porter à l'époque. Eh bien, elle aussi souffrait de cette difformité intérieure. Même truc, trop grande. J'avais jamais vu ça, la vraie série noire. Je m'en suis ouvert à Steiner, vous savez, celui de l'électronique. Et c'est là que j'ai appris l'affreuse vérité. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Mon vieux, ce ne sont pas les bonnes femmes qui sont devenues trop grandes. C'est toi qui deviens trop petit. J'ai perdu au moins 2 centimètres en un an, et je ne durcis plus complètement. Oui, mon vieux, c'est comme ça. On y passe tous, il n'y a pas de bon Dieu. En 1944, j'ai débarqué en Normandie, à Omaha Beach, sous les mitrailleuses. Je libérais Paris. Vous étiez un héros de la résistance, colonel à 26 ans dans le maquis. Et maintenant, on ne peut plus bander. Vous ne trouvez pas ça dégueulasse ? Romain Gary, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Il nous arrive à un moment, à un âge de la vie, une baisse ou une disparition du désir. Il y a un moment où on peut moins ou on peut plus du tout. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et c'est dû à quoi ? Alors, il y a le distinguo entre on ne peut plus avoir d'érection ou moins d'érection et le désir. Marc Galliano. L'érection, c'est un miracle de la nature. C'est pas parce que depuis qu'on est enfant, on se voit bandé qu'il faut méconnaître ces systèmes d'une complexité absolument inouïe, parce qu'une érection fait appel à l'énergie libidinale, à l'intellect, à des artères, à des nerfs, à des veines, à une qualité de verge. Alors bien évidemment, plus on vieillit, plus on accumule les petits troubles de la santé, le diabète, le cholestérol, le tabac, la sédentarité, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi on a moins d'érection. Le désir, on le sait qu'arrivé à un certain âge, on peut avoir une baisse, pas d'un coup, mais une baisse plus ou moins vite, plus ou moins progressive en fonction des hommes, du taux de testostérone. Les effets déclenchés par les troubles de l'érection, les effets psychologiques peuvent être dévastateurs. Totalement, ça peut pousser jusqu'au suicide. J'ai eu dans ma patientèle, malheureusement, des patients qui ont été poussés à cet extrême. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire quand on perd la fonction érectile ? Alors moi, en tant qu'urologue et andrologue, on a tout un panel de traitements physiques, chimiques et chirurgicaux à la disposition des patients. Alors, il y a tous les traitements de phytothérapie, le ginkgo, on peut avoir des extraits d'écorce d'arbres, des décoctions à base de drosophile. Enfin, tout a été essayé depuis le Moyen-Âge, depuis l'aube des temps. Et ensuite, on a des molécules aujourd'hui qui sont relativement et formidablement efficaces dans certaines situations, qu'on appelle les IP25. Ça, c'est Viagra ou pas ? C'est le Viagra, bien sûr, mais ça, c'est un nom de marque. Ça a révolutionné la prise en charge. Avant l'arrivée du Viagra, on avait des injections intracaverneuses de prostaglandine. Vous avez aujourd'hui des ondes de choc. Les ondes de choc sont capables de régénérer les corps caverneux. Vous avez l'implant pénien, formidable outil chirurgical qui permet aux patients d'avoir à nouveau des érections. Mais bien évidemment, il ne faut pas cantonner un rapport sexuel qu'à la pénétration. Si on sort de cette injonction à la pénétration, on peut avoir une vie sexuelle totalement épanouie jusqu'à la fin de ses jours. Et sur ce, dans ma patientèle, mon patient le plus âgé qui est aujourd'hui sexuellement actif, il a 95 ans. C'est un bel exemple. Nous marchons dans la ville, nous croisons des regards. Ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises. Tu sais, Ovidie, que de découvrir qu'on peut faire l'amour jusque dans le grand âge, d'une certaine manière, moi, ça me soulage. Enfin, c'est pas vraiment le sujet de notre enquête. Nous, notre question, c'est vivre sans sexualité. Pas de savoir comment tu baiseras dans 100 ans. Et là, au bout d'un mois, tu te sens comment ? Tu les as finalement, tes couilles bleues, ou pas ? Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12. Sexualités empêchées. Avec Philippe Brenot, Marc Galliano, François Nombret, Tanguy Granis, Titiou Lecoq, Emmanuel Richard, Daniel Borio, Jacques Lesage de La Haye, Adeline Béguier et Fabrice Flageol. Merci à Garance Fragne, Tatiana Atranfresco, Nicolas Champeau, Emmanuel Perrault, Charlotte Boisson, Emmanuel Pays, Monique et Serge. Prise de son, Stéphane Beaufils et Bruno Mourlan. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancred Ramonet, réalisée par Séverine Cassard. Dans le silence émergent quelques datas sensibles. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Était au nombre de 12. Leur vie était très limitée. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter quand vous êtes seul, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.